Selon la radio sud-coréenne KBS, le comité de lutte de Kimchon contre la disposition de Sud a tenu le 5 juin un meeting à Séoul avec les citadins de Kimchon et les croyants du bouddhisme orthodoxe contre les menées des autorités pour la disposition de Sud. Les participants ont adressé une protestation des citadins de Kimchon à la Maison Bleue.